360 chevaux, me demande pas si ça pousse. Au dernier contrôle, les condés m'ont tapé une face, donc j'ai cassé toutes les puces. J'ai senti la patate venir, j'ai appelé le ref et déplacé tous les housses. Yankee servi, Yankee heureux, leur cerveau fait des loopings comme montagne russe. On est dessus par les carreaux, le crédit te laissera sur le carreau. J'ai tapé dans sa tête comme Bobby 9 de I, qui met des manchettes dans les phares. Arrête de nous faire le gaparo, tu vas te manger un aller-retour. Les petits chez moi vont te laisser KO, vont te sortir à 5h avec les belles poules. Moi, je connais toutes sortes de taffes d'emploi qui prennent dans le boule ou dans la chambre. Vu sans corse comme Bonaparte, classique comme Cold Escape. Hey, je pète la belvédère et j'en verse un peu, c'est pour les morts. Je roulais sans permis, les gondés m'ont chassé, mais ces cons sont plantés dans le décor. C'est parti la même merde, du nord au sud, c'est les mêmes blagues. Big up à tous les frères qui tournent au star comme des toupies payblades. Arrêtez de me parler d'oseille, vous vous faites carotter, vos contrats sabotés, vos dégaines salopés, vos bilans abonnés, vos cartes bleues bloquées, vos soi-disant prodiges, une lâchée sur côté. J'arrête sans laine, sans gramme, sans red, les yeux levés dans le ciel. Solide, en vrai, pas comme les autres, en vrai, moi je suis même qui est. J'tire un peu la gaine, je rentre dans la BMW, tout pour mon bien-être, j'ai un peu la haine. Faut que la vie, faut que la verbe, j'suis dans les annales, en vrai, dans le cul de ta mère. Enculé, paye-moi, j'viens de loin. Réchiche mon état, mais à la joint. Un Glock, un chargeur, long format. J'te montre quel cowboy, quel marien. Numéro 19, tu me croises en ville et tu la ramènes moins sur le web. J'ai ton adresse sauvegardée dans mon way. Tu la ramènes moins sur nous. J'fais plus du rap, j'fais du fist fucking. On les appelle sur leur GSM. Ces trucs nous font le coup du tunnel. Mais tu menaces, tu vis à vie en béquille. Dans ce putain de peur, j'ai pas de vis-à-vis. Tu tiens pas une putain de minute dans mes choses. On sort les chattes, on sort pas les choux. Prends ce flingue, vas-y, vis ma vie. Prends ce flingue, ouais, vis ma vie. La seringue est dans le bras du schlag, la jalousie vit dans le bénéfice. Son prix réside un peu dans son charme. Plus de verre pour plus de shit. Première presse et je coupe sans réchaud. Plus de drogue pour plus de shit. Plus d'ennemis, plus le sang est chaud. Sans laine, sans gramme, sans weed. Les yeux levés dans le ciel. Solide, en vrai, pas comme les autres. En vrai, moi je suis même qui est. J'tire un peu la gamme, je rentre dans la BMW. Tout pour mon bien. J'ai un peu la haine, faut que la vie, faut que la verbe. J'suis dans les annales, en vrai, dans le cul de ta mère. Arrête, sans laine, sans gras, sans red. Solide, en vrai, pas comme les autres. En vrai, moi j'suis même qu'hier.